Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'apostrophe Théâtre des Arts. Merci d'être aussi nombreux quand même en ce beau samedi après-midi ensoleillé pour venir assister à cette troisième édition de Théâtre du Présent Rendez-vous d'auteur, qui est un événement consacré aux écritures dramatiques contemporaines. Donc, par rapport effectivement à la plaquette que vous aviez eue, on a un petit peu changé l'ordre d'intervention pour cette rencontre qui va s'étendre sur un week-end complet aujourd'hui et demain. Nous allons démarrer cette journée avec un débat, une rencontre débat autour de la thématique de la pensée au plateau, écrire pour la scène, animé par Ami Khaled, merci beaucoup d'être présent, qui est modérateur de ce débat et responsable du comité de lecture et des relations aux auteurs au Théâtre du Rond-Point. Et puis à ses côtés, vous voyez pour l'instant Marcel Bozonnet et Judith Hertel qui ont coécrit le spectacle Soulèvement que vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous hier soir ou que vous viendrez peut-être voir ce soir. Et puis donc nous attendons, et merci de votre patience, ils vont pas tarder à nous rejoindre, Jeanne Champagne pour son spectacle Les Années qui va être programmé en janvier ici à l'apostrophe. Et Laurent Atta autour de Retour à Reims qui va être programmé au mois de mai ici également. Effectivement, ce sont des metteurs en scène programmés chez nous au cours de la saison où là, on va voir qu'ils ont eu le courage, en tout cas la particularité de s'appuyer à l'origine sur un matériel qui n'est pas théâtral. Et puis, au cours de cette rencontre, enfin de cette manifestation sur les deux jours, vous aurez l'occasion d'entendre la lecture de trois textes coup de cœur du comité de lecture qui ont été sélectionnés par les membres l'an dernier, où nous avons ici en présence les auteurs que nous saluons et remercions et que vous retrouverez demain toujours auprès d'Amine pour une rencontre débat à partir de la réflexion de ces textes que vous aurez entendus et aujourd'hui et demain matin. Voilà, merci beaucoup. Je laisse tout de suite la parole à Amine et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour. En attendant que nos autres complices dans cette discussion nous rejoignent, on commence et puis nous rejoindrons en route, comme on dit. D'ailleurs, c'est valable pour tous les soulèvements. Il y a ceux qui initient le mouvement et d'autres qui les rejoignent. On va revenir sur la question avec notre cher Marcel Bozonnet. On est particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui, disons un an après la rencontre que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer l'année dernière. Et d'ailleurs, la question, c'était, ça a toujours été la même, parce qu'il est au cœur de ce festival qui nous est concocté par le directeur de théâtre, Jean-Joël Chapelain, qui est là en notre présence, bien assidu, sa place parmi le public. Par contre, le théâtre du présent, comme le présent et les mouvants, on le constate, à notre dépend d'ailleurs, le présent c'est quelque chose, on ne saura pas le définir. Le théâtre, peut-être on a tous une idée, c'est un public et une sorte de jeu sur le plateau, mais le présent c'est une question assez fuyante, d'ailleurs qui est au cœur. Au cœur du projet de Marcel Bozonnet et de Judith Hertel, justement pour soulever et interroger quelque chose qui est là, qui est en cours, qui se produit. Et aussi cette question du présent, au moment où on parle d'un présent, avant de finir sa description, il est déjà ailleurs, le présent, il s'est déjà déplacé. Ou peut-être même ce que l'on constate était déjà contredit par des événements qui sont extrêmement fuyants, totalement contradictoires, et que peut-être par leur violence, nous rappelle que la question du présent, c'est une question éminemment politique, c'est parce que c'est une question de regard qu'on pose sur les individus, sur les événements et sur tout ce qui nous entoure. Je faisais la réflexion tout à l'heure à Jean-Joël, disant que cette fois-ci, il y a une concomitance de choses comme ça, il y a un regard de programmation sur cette édition-là, qui est abordé à travers trois spectacles et qui sont, de mon point de vue, extrêmement emblématiques. extrêmement emblématique du thème de ce festival, à savoir Soulèvement, le projet que qui est écrit à partir des paroles qu'on peut qualifier des paroles révoltées ou révolutionnaires, ça on reviendra sur la question, et qu'il s'agit de Soulèvement, ou bien Retour à Reims, qui est le spectacle de Laurent Attat à partir du livre du même titre du sociologue Didier Ribon, qui est une sorte d'autobiographie et même davantage. Et le troisième, c'est l'adaptation que Jean Champagne fait des années d'Annie Ernaux, qui est une écrivaine qui est ô combien précieuse aujourd'hui et qui a une très grande particularité, c'est quelqu'un que toute la littérature est consacrée à des obsessions, en parlant des obsessions pas de point de vue négatif, mais à des questionnements extrêmement persistants sur son propre parcours et qu'on interroge, et qu'il y a toujours cette question politique qui revient même dans les œuvres les plus fictionnelles, les plus imaginatives, il n'y a pas de concession littéraire, mais aussi aucune concession politique sur tout ce qui habite l'œuvre d'Annie Ernaux. Peut-être on aura la chance d'être rejoint dans pas longtemps par Jean Champagne pour aborder cette question-là. Très vite, on va commencer un peu à discuter. Nous, de notre côté, il y a la parole qui va circuler de ce côté-ci, mais évidemment, elle n'aura pas de frontières. On essaiera un peu d'évoluer au gré des interrogations de chacun de nous, disons de nous, de tout le monde. Marcel Bozonnet, vous en êtes co-auteur du spectacle à partir des textes assez classiques, qui sont assez connus, qui ont déjà, certains parmi eux ont intégré l'imaginaire collectif, et d'autres textes qui sont assez récents. Vous avez coécrit l'adaptation avec Judith. Je vous pose la question, et j'aimerais bien avoir une réponse de chacun de vous, chacun avec ses mots, mais à la même question. D'où est partie votre première interrogation? Pourquoi avoir choisi exactement de parler sur la question du soulèvement? Et à partir de cette question-là, avant de vous céder la parole, juste, vous avez des notes biographiques et bibliographiques de chacun des intervenants ici, et notamment de Marcel Bozonnet, qui est déjà à lui-même déjà un certain chapitre du théâtre dans notre pays. Marcel, c'est à vous. C'est justement, ça se confond avec l'histoire de la compagnie, parce que après la Comédie française, j'ai dirigé à Amiens une compagnie que je dirige toujours, qui s'appelle la Compagnie des comédiens voyageurs. Et cherchant ce que je pouvais faire, j'ai trouvé que ce que je pouvais faire j'ai trouvé ça avec mon ami Joël Hudvol, ce dont on a eu envie de parler, c'était des émeutes de 1830 qui sont dans Les Misérables de Victor Hugo. Et donc on avait déjà fait un montage de texte sur ces émeutes de 1830, et le spectacle s'appelait « Rentrons dans la rue ». Et puis bonjour Jeanne, bonjour. Et puis le deuxième spectacle que la compagnie a fait s'appelait « Baybars, le mamelouk qui devint sultan ». Et ça, ce spectacle était inspiré d'un conte, d'un grand conte moyen-oriental dont 10 arabo-musulmans, dont 10 volumes sont traduits dans la collection Sinbad, et qui raconte le Moyen-Orient au XIIIe siècle, notamment dans la personnalité de ce mamelouk qui tue de ces mamelouks qui tuent leur roi, qui leur succède et donc qui font par exemple prisonnier Saint-Louis à la bataille de Mansoura, prennent les dernières places franques et puis arrêtent les Mongols, ce qui n'est pas rien. Donc évidemment, de la même façon que nous avons nos contes, le monde arabo-musulman a les siens, mais dans ces contes, les méchants étaient joués par les occidentaux et notamment par les religieux, des moines pervers, ayant toutes les maladies possibles. Et donc, je continuais de jouer ce spectacle, et quand je jouais Rentrons dans la rue, et que j'expliquais, je disais, oui, c'est très important qu'on comprenne qui a le droit de vote, qui a le droit de grève, le droit de manifestation. Et de temps en temps, il y a des émeutes, il y a des insurrections et il y a des révolutions. Et comme je disais ça aux professeurs d'histoire, je pensais que quand même, je transgressais quelque chose. Je me trouvais gonflé de dire les choses aussi simplement. Mais c'était vrai. Et c'est surtout ce qui s'est passé. Je suis beaucoup allé en Syrie. Et tout d'un coup, je continuais de jouer ce spectacle, Rentrons dans la rue, quand est arrivé, après la Tunisie, après l'Égypte, j'ai vu la Syrie, nous avons vu la Syrie, où j'étais allé une dizaine de fois, se lever. Et les mômes à Dera, écrire, faire des inscriptions, parce qu'ils avaient vu ça à la télévision. Enfin, on a vu ce mouvement comme ça On a vu ces mouvements, cette peur transgressée. On connaît le régime syrien depuis, on le connaît dans toute sa profondeur et dans toute son horreur. Alors il se trouve qu'un jour, j'ai lu un article de Sophie Vanish qui revenait sur la notion de soulèvement dans une revue qui s'appelle Vacarme. Sophie Vanish est une grande historienne de la Révolution française. Elle a écrit des ouvrages absolument magnifiques qui nous ont enthousiasmé, et elle parlait du rapport de Michel Foucault avec la révolution iranienne. Et ça a été une sorte de déclic pour moi de penser que, dans le fond, j'avais envie de travailler. Alors, on a exclu tout de suite de prendre la révolution française parce qu'on voulait travailler plutôt sur la notion de soulèvement, celle qui était décrite dans l'article de Sophie Vanish. Et on s'est mis au travail, et pour nous arrêter un instant, le spectacle, on a donc choisi trois événements, deux événements en 92, des émeutes du sucre qui ont lieu en janvier 92, et puis ensuite cette grande manifestation du 20 juin 1792, où le peuple va défiler devant l'Assemblée nationale et rentre ensuite dans les Tuileries. Et dans nos recherches, on a découvert l'insurrection de Saint-Domingue, dont moi j'avais entendu parler, mais je n'avais jamais mesuré ce que c'était que l'insurrection de Saint-Domingue. Donc, avec ces trois événements historiques, nous rendons compte aussi, alors là, de la façon modeste dont les gens, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, se décident à aller à la manifestation. Comment c'est souvent des témoignages, alors là, de personnes qui disent, ben, moi, j'y suis pas allé, moi, j'ai eu peur, moi, j'y suis allé malgré l'interdiction de mes parents. Et pour ce qui est de l'insurrection, du soulèvement en Syrie, on rentre plus dans les détails, parce qu'il y a des ouvrages qui ont montré qu'effectivement, c'était par famille, de peur d'être dénoncé, qu'on se rassemblait, que des dames faisaient des manifestations dans leur appartement et les filmaient, les postaient sur Internet. Enfin voilà, on est rentré dans le détail de ces témoignages. Merci. Pour prolonger la réponse de Marcel, je voulais vous demander, en fait, quand on parle du soulèvement, d'ailleurs, parce qu'il est très pertinent, on ne parle pas de révolution, c'est que le soulèvement, c'est ce moment-là qui fait événement, c'est le moment du fracas, le moment où, comment dire, la stabilité ne compte plus parce que l'ordre établi antérieur était déjà tombé. Le soulèvement intervient, c'est comme on pousse un meuble qui est déjà sur le bord. Qu'est-ce qui fait théâtre pour vous dans ce matériau-là qui raconte ou qui commente les soulèvements? Qu'est-ce qui fait théâtre dedans? Oui, alors ce qui nous a intéressé justement, c'est vraiment ce moment précis où on pense que tout est stable, qu'il ne va rien se passer, que tout est installé depuis un long moment, et ce moment précis où ça bascule, et où effectivement un peuple va descendre dans la rue, un peuple va manifester ou va se révolter. Et effectivement, d'un point de vue même de la dramaturgie, c'est un moment crucial puisqu'on passe d'un état stable à une perturbation. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, me semble-t-il, du point de vue théâtral. Bon, évidemment, la difficulté là, dans le spectacle qu'on a conçu, c'est qu'ils ne sont que trois, Et que donc, pour faire jouer un soulèvement, c'est évidemment toujours difficile, puisque le propre des soulèvements, c'est d'être collectif, d'être des manifestations, d'être celle de tout un peuple qui se manifeste. Donc, voilà, une des questions qui se posait pour le théâtre, c'était comment organiser un matériau sans que ce soit des personnages qui prennent en charge chacun des personnages historiques, puisque ce n'était pas du tout le propos, et comment articuler des textes dans des temps différents, celui de la Révolution française, enfin, des prémices du continuum de la Révolution française, mais dans lequel on avait isolé vraiment des moments, comme Marcel vient de le dire, et puis des témoignages, qui sont donc des textes d'une toute autre nature, évidemment, qui sont les témoignages des soulèvements du peuple syrien. Donc c'est pris en charge par des voix, mais pas par des personnages. Et donc ça, c'est quelque chose qui théâtralement posait des problèmes dont Marcel parlera mieux que moi, évidemment, qui posait des questions non de représentation, mais de figuration. Comment figurer quelque chose, comment figurer cette énergie surtout, ce flux de parole, cette alternance de paroles spontanées et de paroles discursives qui a été pris en charge par des orateurs, et cette parole qui était aussi et une parole qui n'a pas le même langage, puisqu'une parole du XVIIIe siècle est une parole extrêmement contemporaine. Donc voilà, c'est cette hétérogénéité-là qui fait aussi, me semble-t-il, la richesse du spectacle. Pour prolonger ceci, je me tourne sur ma gauche, et on peut partager totalement notre dispositif qui est assez spontané, mais finalement, de mon point de vue, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, il y a un spectacle ou une équipe qui traite de la question du soulèvement, c'est le grand bruit, le moment du soulèvement, c'est un moment de chaos, où de toute façon, le nouvel ordre n'est pas encore établi parce que j'ai un moment de truc, mais l'ancien ordre n'y est plus. Du coup, on est dans un moment de suspension. Alors, la parole qui est sur ma gauche, qui est deux paroles distinctes, Jeanne Champagne, dont votre travail de théâtre, vous accompagnez l'œuvre d'Annie Ernaux depuis quand même un certain temps, depuis 2000, ça nous fera bientôt 16 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et Laurent Atta, et vous êtes saisi d'un livre qui a fait, comment on peut dire, qu'il a fait date quand même dans les années 2000, le livre de Didier Ribon, Retour à Reims. Et là, on est du côté un peu de quelque chose qui est sourd, de souterrain, de quelque chose qui agit sur les individus. Du coup, on est dans le calme. On ne sait pas si c'est le calme après ou avant la tempête, vous allez nous le dire. Jeanne Champagne, je voulais vous poser la question de savoir, elle s'est faite comment, votre rencontre avec l'œuvre d'Annie Ernaux, qu'on a fait une très brève présentation tout à l'heure, mais certainement vous allez enrichir un peu la parole de ce point de vue-là. Comment s'est faite votre rencontre avec l'œuvre de cet auteur emblématique de la littérature, justement de la littérature qui les lettres peuvent servir à quelque chose de supérieur, ouais, peut-être, exactement, à elles-mêmes. Oui, alors j'avais lu Les armoires vides, qui est un livre absolument extraordinaire, d'une violence extrême et d'une justesse incroyable, qui est donc le premier roman d'Annie Ernaux. Et parallèlement à cette période-là, c'est un livre qui a été pour moi un choc, mais dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et parallèlement, je mettais en scène la trilogie de Jules Vallès, L'enfant, le bachelier et l'insurgé, qui raconte donc aussi un soulèvement intérieur, et un soulèvement intérieur dans l'enfant, face à une éducation et une structure scolaire absolument autoritaire. Et ensuite, une prise de conscience, parallèlement à cette prise de conscience intérieure, une prise de conscience par rapport à la société, avec ce bachelier, ce bac, avec qui on ne fait rien du tout, on est voué à la bohème, et l'engagement dans l'insurgé, quand même, face à la Commune de Paris. Donc ce chemin était très fort. On a quand même joué 300 fois, 600 000 spectateurs, enfin une histoire absolument incroyable, cette trilogie de Jules Vallès. Donc j'étais quand même... Mais c'était un garçon. Voilà. Je suis une femme, donc j'avais dans la tête le bouquin d'Annie Ernaux. Donc je lui ai écrit, c'était tout simple. Je lui ai écrit en lui disant, voilà, j'ai fait ça, je cherche, alors là je vous dis les choses, mais avec une banalité, une sincérité incroyable, je cherche un modèle féminin. Non pas en tant que moi, femme, Beauvoir et d'autres ont été des modèles, mais pour éventuellement tenter de mettre ça sur le plateau. Alors elle m'a répondu, nous nous sommes vus, et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas comment je vais faire, mais si, parce que bon, Vallès est mort, donc j'ai fait ce que j'avais envie de faire, vous êtes vivante, vous n'avez pas besoin de moi. Bon, elle avait une œuvre absolument extraordinaire, il y avait l'événement qui venait de sortir, donc je lui ai expliqué quand même que je souhaitais faire un travail à partir de l'événement. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait avec la trilogie, comment j'avais monté les éléments, et ce qui m'intéressait avant tout, c'est la prise de conscience, la lucidité et comment agir. Voilà, hein, de la conscience et l'action. C'est ça qui m'intéressait. Et j'ai dit, voilà, je voudrais faire ça. Alors, elle était un peu... Mais c'était bien. C'était très clair. Je lui ai dit, si ça ne vous convient pas, on arrêtera tout de suite. Je fais ça à la cartoucherie. Mais simplement, je ne pouvais pas imaginer lui soumettre... une quelconque adaptation, quoi que ce soit. D'abord, il n'y a pas d'adaptation dans mon travail. Et j'avais déjà vécu ça avec Arndt, qui m'avait dit, écoutez, à qui j'avais écrit quand j'ai monté les spectacles. Il m'avait dit, écoutez, vous faites... c'est votre point de vue à vous qui est important. Et donc, je vous laisse libre. Simplement, ne transformez pas le texte. Les coupures possibles, mais pas de transformation. Et ça, je trouve ça tout à fait normal. Enfin, ce n'est pas une adaptation dialoguée, enfin, un truc comme ça, ce n'est pas ça. Et donc, avec Ernaux, ben voilà, on s'est dit ça. Et puis, je lui ai dit, écoutez, vous viendrez voir peut-être en amont, mais il faut que je sois libre de faire ce travail selon cette chose un peu que je vous explique. Et puis, voilà, ça a eu lieu. Donc, j'ai fait un montage entre trois textes, l'événement, les armoires vides et ce qu'ils disent ou rien. Ce texte qui n'est pas dans Écrire la vie, qui va ressurgir à un moment, là, elle me l'a dit, on vient de se voir, on se voit régulièrement avec Annie Ernaux depuis ce moment, mais qui n'est pas dans ce gros bouquin Écrire la vie. Hein. Et donc, voilà, j'ai fait ça, on a fait ça à la cartoucherie, ça a été formidable. Et voilà, on est parti en tournée, elle nous a même accompagnés. Et puis, à la suite de ça, ce qui viendra, je vous expliquerai, je ne veux pas être trop longue, mais après, on a eu comme ça des rebonds, parce que j'ai mené un chantier parallèlement. En général, je travaille sur des chantiers artistiques et politiques parallèlement au spectacle que je mets en scène. Et on a eu des événements un peu étranges, enfin, pas étranges, mais à cette époque-là, c'était violent. Avec des textes, je travaillais sur le deuxième sexe. Bien sûr, le travail de sur Ernaux était accompagné de textes, parallèlement de Beauvoir et d'autres, hein, de Michel Perrault, avec qui j'ai travaillé. Donc ça, tout ça m'intéressait beaucoup. Et puis j'ai eu des réactions sur un texte de Beauvoir, de jeunes filles qui m'ont dit « mais c'est dégueulasse, qui ont quitté la classe, qui m'ont mis les parents sur le dos ». On a eu dans des établissements scolaires des séances très rudes. Alors, j'ai vu Annie Ernaux, et puis j'ai décidé de mettre en place un chantier à la cartoucherie où est venu Michel Perrault, Fadela Amara, Mixité, enfin, et Annie Ernaux. Enfin, on a fait un énorme, disons, quelque chose qui, sur les lois de l'amour et de la vie, et qui était avec tous les profs, les élèves, enfin, quelque chose qui, d'un coup, j'avais besoin de répondre. Voilà. Donc, voilà, c'était pour vous dire, cette rencontre a été forte, nécessaire pour, dans l'esprit de l'écriture d'Annie Ernaux, servir à quelque chose. Mais bon, ça, ça date de 2003, quelque chose comme ça. Mais il s'agissait bien, là, d'un soulèvement intérieur, hein, je veux dire, pour les jeunes filles, les jeunes gens à qui on s'adressait. Ouais. Merci, Jeanne. C'est plus ou moins la même question que je poserai volontiers à Laurent. D'abord, je voulais vous demander, il vit encore le spectacle, depuis combien d'années vous l'avez monté? C'est sa quatrième année, là, maintenant. Trois ans. On l'a monté. Non, ça fait un an et demi. Un an et demi. C'est la fois que je l'ai vu, c'était à Avignon en 2014. C'était la création. C'était la création à Avignon en 2014. Et il vit encore, puisqu'on l'a joué encore hier à Mirabel et Blacon, à côté de Cray, à côté de Valence. Voilà, ce qui explique. Voilà, soyez rassurés, vous précisez un peu. Il a activé le GPS pour bien situer. Exactement. Voilà, dans une petite salle, dans une expérience qui est la comédie itinérante, en fait, de la comédie. Comment vous l'avez rencontré, ce livre de Didier Ribon? Vous connaissez déjà le sociologue avant ça? Alors, je connaissais le sociologue de nom, mais je n'avais rien lu de lui. Et puis, c'est typiquement le genre de livre que j'ai eu du mal à ouvrir parce que je suis rémois. Et donc forcément, quand le livre est sorti en 2009, tout le monde m'a dit « mais il faut absolument que tu lises Retour à Reims ». Et j'ai ce défaut qui est que quand on m'offre des livres ou qu'on me les conseille, je mets un temps infini à m'y résoudre. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, mais c'est plus compliqué pour moi d'ouvrir un livre quand je ne fais pas la démarche par moi-même. Voilà, j'essaye de travailler là-dessus parce que j'ai regretté de ne pas l'avoir lu plus tôt. Donc je l'ai lu il y a 2 ans, à peine six mois avant de la création, en fait, c'est un projet qui s'est vraiment mis en place très, très rapidement, parce que dès que je l'ai ouvert... Et qu'on peut dire que vous aviez raison de vous en protéger, de ce livre. Vous avez l'effet que ça donnait par la suite. Je crois que je me suis senti ciblé, évidemment, comme beaucoup d'ailleurs. C'est assez étonnant quand on joue Retour à Reims ou qu'on en parle avec les gens qui ont lu le livre. C'est que, à la fois, Didier Ribon raconte son histoire... extrêmement personnel, intime. Il parle de lui en tant que jeune homosexuel rémois, quittant sa famille, se racontant à la fois à Paris, se construisant dans ce qu'il appelle la subculture gay à Paris, comme en rupture de ban avec sa famille à cause de son homosexualité, essentiellement, et de l'homophobie de sa famille. Et dans ce livre, 30 ans plus tard, se demandant si c'est pas aussi l'un ne jouant pas forcément contre l'autre, l'un n'effaçant pas l'autre, mais aussi une rupture de classe. Et c'est là où on rejoint Annie Ernaux, et évidemment le propos d'Annie Ernaux. Et dans la construction intellectuelle de ce livre de Retour à Reims, Annie Ernaux est très très importante. Elle est beaucoup citée. Voilà. Et du coup, il met le doigt sur des choses qui sont assez universelles au fond. Au-delà du déterminisme sexuel, c'est-à-dire c'est l'impression qu'on peut tous avoir si on suit un trajet divergent de son milieu d'origine. Par exemple, de ce que Didier appelle le bilinguisme, c'est-à-dire qu'on ne parle pas la même langue quand on est dans sa famille que quand on est dans son milieu professionnel ou amical, la famille qu'on s'est choisie. Et ce qui est frappant, ce qui est très fort dans Retour à Reims, c'est que c'est vécu dans la douleur. Voilà, c'est que c'est une souffrance terrible, puisque le milieu populaire dont il vient était un milieu où l'amour était quand même très peu présent. Une des phrases, ma mère n'a jamais aimé mon père, elle s'est fait une raison, qui me résonne comme ça. Il y a une chose très, très, très violente dans la cellule familiale de Didier Ribon au départ. Et donc, elle exacerbe complètement la distance et en même temps, la question du retour, est-ce que c'est possible de revenir? Est-ce que c'est possible de renouer avec quelque chose qu'on a laissé pendant 30 ans, des gens qu'on a laissé pendant 30 ans à l'écart? Et la réponse, elle est ambiguë, d'une certaine manière. Le seul retour possible, c'est mesurer la distance, dit-il à la fin, en fait. C'est-à-dire se rendre compte de quel exil on vit, et du coup, être un peu plus... honnête sur évidemment la souffrance qu'on a subie, mais la souffrance qu'on fait subir en retour. Voilà. Et c'est ça ce dont il se rend compte à la fin du livre, c'est qu'au fond, il a exercé lui aussi, et il regrette, une forme de violence envers sa famille en étant en rupture totalement. Ça, c'est pour le spectacle qu'a mis en scène Laurent, est issu de ce livre, du même titre que le spectacle Retour à Reims. On ne vous recommandera pas assez d'aller le voir, et le prolongement de ça, d'aller, parce que c'est pris, c'est des extraits, évidemment, on ne pouvait pas adapter tout le livre, qui est assez volumineux, et qui est adapté au théâtre. Mais la lecture du livre, on en parlait tout à l'heure avec nos comparses, qui est une lecture extrêmement précieuse, elle est extrêmement bouleversante, mais pas dans le sens de bouleverser l'affect de la personne dans son coin. C'est une réflexion politique extrêmement profonde et qui rejoint, ça rejoint un peu le parcours intellectuel de Didier Ribon, qui est un peu classé parmi les bourdieusiens quand même de la nouvelle génération, et que l'exercice de cette autobiographie, les biographies, tout le monde peut faire des autobiographies. Il y a même des éditions d'autobiographie, vous-même, n'importe qui parmi nous, pour aller voir ces éditions, pour éditer ces, les biographies familiales, de raconter sa vie, juste la fixer sur papier. Et puis après, vous avez des sportifs, des people, des hommes politiques, ils ont des biographies toutes les 5 ans. On a l'impression que c'est assez surprenant. Mais cet exercice qui est inauguré par Bourdieu dans l'esquisse pour l'auto-analyse, qui est justement quelqu'un qui agit dans sa vie et qui fait tout un travail d'écriture par la suite, de voir comment sa vie agit sur son travail et sa formation de citoyen, et dans ce cas-là précis, d'intellectuel. C'est une lecture extrêmement précieuse et qui tape à un endroit assez particulier, qu'on le voit à l'ère du temps, dans cette façon d'opposer, pour écraser la question sociale, la question des inégalités, on essaye de supplanter à la question sociale la question des identités. Et les identités, il n'y a pas plus éclaté que les identités, elles se superposent. Et là, Didier Ribon, c'est justement cette cause-là, la cause du genre, étant un jeune homosexuel qui découvre dans sa prime jeunesse ce qu'il est différencié dans son milieu immédiat, et cette quasi-impossibilité de la vivre, mais parce que c'est cette incapacité des classes prolétaires, en fait, de verbaliser et de défendre sa position dans la société. Pour Didier Ribon, c'était impossible de la vivre, la condition homosexuelle, pas autant qu'homosexuel, mais surtout comme fils d'ouvrier. Et cette violence qui vient, qui absorbe la violence de la société, et on l'absorbe à l'intérieur du foyer familial. Et la déchirure avec le père, qui est quelque chose, quand même, dans vos spectacles, vous vous rendez compte sur cette parole, quand même, vous tenez aussi à restituer ce chapitre. Quels outils vous avez imaginé un peu pour le théâtre, pour essayer un peu de restituer au plus vite, mais en restant quand même de donner un spectacle qui... Quand on vient voir du théâtre, pas plus, pas moins. Et comment cette parole assez, qui est quand même assez paradoxale et qui se déplace, une parole d'intellectuel, comment vous la ramenez sur un plateau de théâtre pour vous? Quelles étaient un peu les problématiques que vous avez dû affronter dans votre travail d'adaptation? Je voulais juste rebondir, puis je vais répondre à la question sur ce que vous disiez précédemment. C'est-à-dire qu'il agit, en écrivant Retour à Reims, effectivement, en essayant de prolonger le projet bourdieusien, de Bourdieu, hein, avec l'esquisse d'une auto-analyse. Il dit même qu'il le dit, alors je ne sais pas s'il l'écrit, mais il le dit en tout cas dans l'intimité, il dit « j'étais beaucoup plus loin que Bourdieu, j'ai écrit un plus gros livre ». Ce qui est vrai d'ailleurs, il va beaucoup plus loin puisqu'il détaille beaucoup plus. Et il agit en philosophe au sens où il nous montre le travail de soi sur soi qu'il fait lui-même, hein, avec cette phrase qui frappe beaucoup les spectateurs et je pense les lecteurs aussi, quand à un moment il dit que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et il nous invite du coup à ce travail-là, je dirais aussi. Et il nous en donne les outils. Alors c'était ça qui était vraiment intéressant. C'est en ça d'ailleurs que Retour à Reims, c'est pour beaucoup un livre utile. Voilà, hein, on rejoint la... Servir à quelque chose, une écriture pour servir à quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je me tournais vers vous, parce qu'effectivement, c'est je crois qu'il le dit par rapport à Annie Ernaux. Ouais, absolument. Et du coup, il y avait un enjeu à restituer, je dirais, cette forme d'utilité-là. Alors, il fallait faire du théâtre, pas plus, pas moins. J'aime beaucoup l'expression. Moins que le théâtre, on peut voir ce que c'est. Plus que le théâtre, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être. En même temps, j'aimerais bien faire plus que le théâtre, d'une certaine manière. Alors, il y avait une chose qui était frappante, c'est que Didier tenait beaucoup, et on sent dans son écriture, à ce qu'on sache que son travail d'auteur, de sociologue, de philosophe, est un essai. Ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas un roman, c'est un essai. Qu'il y a une dimension scientifique dans son travail. Il tenait beaucoup à ce que ce soit toujours affirmé. Et par exemple, il a toujours refusé, quand on imaginait des tables rondes ou des rencontres, que ce soit sous l'intitulé littérature. Ça m'a toujours frappé. C'est-à-dire que dès qu'on mettait littérature, je me disais non, non, mais moi, ce n'est pas de la littérature. Ce qui est quand même, quand on lit Retour à Reims, exagéré, parce qu'évidemment, c'est magnifiquement écrit et c'est surtout très émouvant déjà. C'est-à-dire que l'essai est en lui-même très émouvant. D'ailleurs, j'ai rarement vu des essais sociologiques avec autant de points d'exclamation. C'est-à-dire déjà, dans la forme, il y a l'intention de convaincre. Et du coup, l'enjeu pour nous, c'était d'être à l'endroit de cette émotion-là, au moins. On retrouve le « au moins » au plus du théâtre. Donc, au moins, le théâtre, il devait être au moins aussi émouvant que le livre. Et c'était compliqué parce qu'on avait quand même une parole d'homme. Alors, ça aurait pu être un long monologue d'un homme seul, en scène. Voilà, et ce qui ne m'enchantait pas tellement. Et donc, le biais qui a été trouvé, le levier, on va dire, c'est la présence de la mère. De repartir, de resituer tout le cheminement intellectuel, tout le chemin de pensée qu'il fait sur la possibilité de son retour, est-ce que ça signifie ce qu'il a vécu avec sa famille, ce que lui-même a fait vivre à sa famille, se situe en fait dans une fiction théâtrale qui est le moment, l'après-midi qu'il passe avec sa mère, le lendemain des obsèques de son père, où ils ensemble ouvrent une boîte de photos et regardent les photos de l'enfance. Et là, je me retourne à nouveau vers vous, puisque évidemment, c'est Annie Ernaux qu'on retrouve dans les années, absolument, tout le travail sur la photo ancienne et le travail de sociologue qu'on peut faire, d'archéologue même, de soi-même, sur ces photos-là. Et donc, du coup, voilà. Du coup, une chose qui était un peu périlleuse pour moi, c'est qu'on a quand même dialogué cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on l'a dialogué. Vous verrez que c'est absolument du faux dialogue, c'est du dialogue philosophique d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il a fallu redonner un peu la parole à la mère, la resituer, et c'était très pratique parce qu'elle pouvait être porteuse, elle, de tous les souvenirs dont on pouvait imaginer que c'était elle qui lui avait raconté, ou ses frères, ou des gens de sa famille qui lui avaient rappelé des souvenirs d'enfance. Donc c'est elle plutôt qui porte ces souvenirs-là. Et le dialogue s'inscrit dans trois dimensions, en fait, que le théâtre contemporain, et surtout les spectateurs contemporains du théâtre, nous permettent de faire. C'est-à-dire qu'il est évidemment introspectif, le personnage pose des questions pour lui-même, et la convention théâtrale de l'introspection du personnage sur le plateau fonctionne depuis des siècles, et heureusement, sinon on serait bien embêté, on devrait mettre beaucoup de décors autour, je ne sais pas ce qu'on ferait. Il y a évidemment le dialogue, comme je l'ai dit, et puis il y a l'adresse à la salle, directement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne sait plus comment on doit faire du théâtre avec ça, et on arrête de faire du théâtre, ou on fait semblant d'arrêter de faire du théâtre, et on parle aux gens. On leur dit, bon, ben voilà, là, logiquement, on essaye de montrer ce que sont les classes ouvrières, mais on est quand même au théâtre, donc c'est quand même déjà, on sait bien que ce n'est pas forcément les classes ouvrières qui sont là, c'est difficile de pousser cette porte. Ce à quoi nous invite Héribon, puisque lui-même pose la question à l'intérieur de son livre. Évidemment, nous, on transpose, puisque chez Héribon, c'est le lecteur, il parle au lecteur, en lui disant, je sais bien que le livre que je suis en train d'écrire ne va pas être lu par les ouvriers. On fait cette transposition-là. Merci. Je me tourne vers retour vers Marcel Bosonnet. On dit toujours que les soulèvements ou globalement les révolutions, elles ne sont viables que par la quantité et la qualité de musique, de textes, de slogans, d'objets qu'elles produisent, qu'elles provoquent. Ça a toujours été quelque chose qui a accompagné les grands soulèvements. Ils étaient toujours porteurs de leurs chansons, de leurs... de tout ce qui un peu fait le décorum des soulèvements ici, et on dit toujours généralement que les soulèvements qui sont voués à être un peu à l'échec et tout, c'est cette puissance qui vient de l'intérieur. Il y a un chant qui accompagne et qui se déploie en plusieurs formes une fois il se manifeste. Les choix que vous avez fait des textes ou des moments d'histoire entre le soulèvement en Tunisie par le témoignage de Abdelwahab Meddeb par exemple, ou à des moments différents, ou bien un cri de révolte comme il peut être celui qui accompagne des époques sombres, comme la parole d'Antonin Artaud. Par quel point vous avez fait, à quel endroit vous avez fait des choix? Pourquoi? Qu'est-ce qui a guidé vos choix dans cette... J'imagine que vous avez eu un pléthore de matériaux. Et comment s'était fait l'arbitrage, comme on dit? On a eu pléthore de matériaux, mais on a aussi, évidemment, relisant ces textes de la Révolution française, relisant ces grands discours, on a retrouvé aussi une langue qui invente des concepts avec une clarté, une luminosité absolument extraordinaire. Les textes de Sieyès, notamment « Qu'est-ce que le tiers-État ?», qui ont été publiés avant la Révolution française, ont été des textes qui ont eu des effets d'entraînement considérables, en tout cas pour les personnes qui pouvaient les lire. Donc on a sorti effectivement des pépites, et on a trouvé... Judith a trouvé un texte de Didier Huberman qui parle du passé, justement. Il dit, on fait remonter dans le présent. On a fait remonter dans le présent. Je vais vous dire une citation. C'est, citer le passé n'a que très peu de sens si l'on ne s'acquitte pas du souci de le citer à comparaître. Au procès toujours ouvert de notre histoire présente, les passés que l'on cite ne valent qu'à porter plainte contre les états présents de l'injustice. Quelque chose de cet ordre dans le spectacle, parce que sur la question, par exemple, du droit à l'existence, qui est toujours le même, quand on demande un revenu minimum universel, c'est ce que demandaient les révolutionnaires français. Ils le demandent, ce droit à l'existence, ce devoir du faible, de se révolter contre le pauvre, tout ça est exprimé avec une clarté, une... Absolument. Absolument. Oui. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Alors on s'est appuyé sur, enfin, finalement sur trois idées. Les textes portent ces trois idées, c'est-à-dire l'égalité. Et donc la révolution de Saint-Domingue porte sur cette question de l'égalité des uns et des autres et des deux côtés du monde, sur le droit à l'existence lié au droit aux subsistances, qui était le texte de Robespierre. Et puis, la troisième grande idée, c'est la souveraineté des peuples. C'est-à-dire qu'effectivement, un peuple qui vient à l'Assemblée nationale et qui défile calmement, en musique, 8000 personnes qui traversent l'Assemblée nationale en venant des quartiers de la Glacière, de Saint-Marcel, et qui viennent simplement pour dire ce qu'ils veulent exiger de leurs députés, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, fait écho très fortement, quoi. Et donc, c'est ces trois idées, finalement, que nos textes posent, défendent, formulent de manière très, très précise. Et je pense que c'est... Et nous nous sommes beaucoup appuyés donc à la fois sur des concepts, la philosophie, et puis sur des récits. Et on doit beaucoup alors à une thèse de Burstein sur le faubourg Saint-Marcel. Il y avait le faubourg Saint-Antoine qu'on connaît plutôt bien. Alors il y a un livre magnifique sur le faubourg Saint-Marcel. Donc la vie du faubourg Saint-Marcel, les révoltes du faubourg Saint-Marcel, et donc justement la révolte du sucre en 92, c'est une révolte des blanchisseuses, parce que on fait croire au peuple de Paris que le sucre augmente à cause des émeutes de Saint-Domingue. C'est complètement faux. Le sucre est dans les entrepôts et on le laisse dans les entrepôts pour le faire monter. Et à ce moment-là, à cette époque-là, le matin, les ouvriers, les ouvrières, les blanchisseuses, tout le monde boit une grande écuelle de café au lait sucré. C'est le manger du matin. Et à 5 heures du soir, comme il n'y a plus d'électricité, je dirais, comme en Afrique. Il n'y a plus d'électricité, il n'y en a pas. À 5 heures du soir, tout ça s'arrête et là, ils font leur premier repas. Donc, il y a une émeute des blanchisseuses du Faubourg Saint-Marcel qui montent dans le clocher, qui font sonner le tocsin, qui sont emprisonnées à la conciergerie. Enfin, voilà, on a fait ressurgir aussi, je dirais, voilà, parce qu'il y a très peu de récits de la Révolution française. Il y a les récits d'un vitrier qui s'appelle Métra. Métra fait un récit magnifique sur plusieurs années de sa vie, c'est très intéressant. Et puis, il y a les mémoires de Jean Rossignol. Mais il y a assez peu de mémoires, pour l'instant, qu'on connaît de gens de 89, enfin des autobiographies en quelque sorte. Mais Vous dites, Jeanne, vous dites que quand on regarde la puissance de ces textes qui nous parvient du 19e siècle, même de la fin du 19e, on se rend compte qu'on est dans les choux. C'est moi l'expression. On est très en arrière par rapport à la vision et la puissance, la lumière, excusez-moi de ce mot, mais c'était d'une clarté et d'une évidence et d'une force. Et donc, même les textes d'Olympe de Gouges, enfin, tous ces textes sont très en avance sur leur temps. Et c'est pour ça que je suis allée voir le spectacle de Pommerat, la difficulté d'être visionnaire, de penser aussi les textes, les états généraux, tout ça. C'est extraordinaire de voir... c'est pour ça que c'est magnifique de faire ce que vous avez fait, de montrer, de faire entendre ça. Et donc, c'est vrai que moi, quand on m'a... Bon, parce que étant originaire du Berry, Georges Sand, je connaissais très bien. Et quand on m'a contacté pour que je fasse Georges Sand à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, je n'étais pas tout à fait partante. Je ne voulais pas revenir dans le Berry, les textes de... Mais quand j'ai su... un appel de Michel Perrault, c'était pour les textes politiques de Sand et 48, j'ai dit oui, parce que ça, les faire prendre en plus en charge par des jeunes gens, j'ai réussi à faire une chose dont j'étais très contente, c'est-à-dire d'avoir des jeunes des banlieues, d'Aubervilliers, aussi bien que des jeunes, parce que je donnais des cours de théâtre à Fénelon, j'avais Sciences Po à Nanterre, avec Garrigou qui était là, et donc de faire cette chose, cette illusion et que tout le monde rêve de faire, c'est-à-dire cette transversalité entre les banlieues, le cœur de Paris, et puis ce qu'a fait très bien Descoings avec Sciences Po, c'est-à-dire d'aller chercher les gens dans les banlieues méritants, enfin, qui peuvent aller se retrouver à Sciences Po. Enfin, faire ça aussi avec le théâtre, parce que c'est possible. C'est possible, il faut inventer ce qui va peut-être se faire. Là, je crois que la nouvelle directrice du conservatoire cherche à faire pareil, de prendre des jeunes gens, qu'il y ait des jeunes gens dans les banlieues qui puissent intégrer le conservatoire d'art dramatique. Enfin, on cherche ça, nous aussi, avec le théâtre. Enfin, je crois, on cherche comment parler de tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut, à cet endroit-là, on peut parler aussi de... C'est un peu la limite de l'exercice. Le théâtre répond à beaucoup de choses, mais ne résout pas toutes les questions. Non. Et que même une parole révolutionnaire qui nous parvient de décennies plus tôt, et quand elle arrive aujourd'hui, elle est déjà un peu, entre guillemets, panthéonisée, qui a intégré l'imaginaire et que devient, il y a quelque chose, je ne dirais pas lui faire l'affront de dire qu'elle devient inoffensive, mais la façon d'interroger, justement, quand on parle de la parole du présent... Est-ce que vous n'êtes pas, à un moment ou à un autre, posé la question justement de la présence d'une parole qui, à un moment, elle est emblématique d'un moment, et quand l'histoire, quand elle chemine, les jours, les années, les décennies passent, est-ce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas au même endroit, cette parole ? C'est pas, Judith, si vous avez... Moi, je voulais répondre sur cette question de texte qui serait panthéonisé. Nous, on s'est rendu compte... Dans la Révolution française, on croit l'avoir vu, l'avoir revu, avoir connaître les textes de Robespierre, etc. Et on se rend compte qu'on ne les a jamais lus, si on n'est pas des spécialistes, des historiens, en fait. On ne les a jamais lus vraiment. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on les regarde de près, on fait ressortir des tournures de phrases, des idées qu'on avait complètement oubliées, qu'ils étaient dans ces textes. Et je ne crois pas du tout quand la langue est forte, qu'il y ait cette, cette usure justement des textes. Et je pense pas qu'il soit. Enfin, je pense justement qu'en tout cas notre travail était en partie de les revisiter et qu'on les entende aujourd'hui avec tout ce qu'elles ont d'une très très forte actualité. Je voulais réagir aussi par rapport à ça. Je crois qu'il y a une. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a une position extrêmement. Quand on s'empare de sujets politiques au théâtre et de sujets éminemment contemporains, il y a une position modeste à avoir, qui est de ne pas confondre l'endroit où on est avec du militantisme. Non pas d'ailleurs que j'aurais un mépris particulier pour ce qui serait du théâtre militant. J'ai pas d'exemple sous les yeux, mais si j'en avais et que c'était bien, ça me plairait, je crois. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on ne peut être qu'à un endroit où on va effectivement poser les questions, comme vous disiez, et essayer d'y répondre. Ou essayer. Moi, j'essaie simplement de dire d'essayer de bien formuler les questions déjà, de poser les bonnes questions simplement, et de l'amener comme ça. Le vrai militantisme, il est dans la rue, enfin, il est dans la politique, il est dans la vie. Hein, et après, on repart dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'être simplement à faire du théâtre et à s'en... Voilà, on ne peut pas s'en satisfaire, en fait. S'il y a des injustices qu'on dénonce au théâtre, on ne peut pas se satisfaire de faire que du théâtre face à ces injustices. Et c'est peut-être à cet endroit-là qu'on reprend le concept de Rancière, de ce moment que les gens partagent, l'endroit sensible des choses, justement, c'est par le biais du théâtre, et que, évidemment, la perception des choses n'est pas la même que lors d'un meeting ou de quelque chose. Les choses passent par un autre biais. C'est un biais qui n'est pas, au premier abord, perceptible ou... Ah bah c'est un endroit protégé quand même, c'est un endroit protégé pour l'intelligence, pour l'endroit où on peut essayer avec subtilité d'élaborer ensemble, et je dis bien ensemble, hein, c'est l'intérêt du théâtre, c'est bien ensemble, d'élaborer une pensée un peu plus complexe. Voilà, et parfois c'est d'ailleurs presque frustrant parce qu'on peut dans ces moments-là de la représentation... comprendre beaucoup mieux, mais la complexité et la finesse d'analyse, elle est vite érasée par la brutalité de la vie extérieure parfois, et on se retrouve avec des outils presque trop fins, brutalement qu'on se retrouve projeté à nouveau dans le RER, je dirais, en sortant du théâtre. Oui, mais justement, moi je voudrais dire une chose par rapport à ça, c'est qu'on sait très bien quand on fait ça, on va toucher pendant un temps beaucoup de monde, mais il y a une ou deux personnes, comme un livre, qui va d'un coup, c'est comme Ernaud parle, de, par exemple, par rapport au texte de Beauvoir, qui a été pour elle une expérience d'écriture, une révélation, donc c'est un choc, et ça transforme sa vie. C'est formidable, si on est ce qu'on est aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup grâce à Beauvoir, hein, je veux dire, ma génération de femmes, pardon. Donc, je veux dire, on sait que, moi, je pense toujours ça, quand il y a un spectacle, qu'il y a quelques personnes dans la salle, même s'il n'y en a qu'une ou deux, où il va se passer quelque chose. Et rien que pour ça, je le fais, puisque je peux pas oublier que, voilà, quand j'étais au fin fond de ma Creuse, il y a un type qui s'appelle Gabriel Monet qui a transformé ma vie. Enfin, je veux dire, ma vie du théâtre et la littérature. Alors là, moi, j'emploie le mot littérature à complètement... transformé, je veux dire, c'est évident, il faut le dire, que Beauvoir, à partir du moment où on peut penser qu'on n'est pas forcément marié, femme, avoir des enfants, enfin bref, la vie normale, hein, l'infériorité naturelle des femmes, je mets tout ça entre guillemets, je veux dire, ça nous transforme, ça a transformé notre vie. Donc, le théâtre peut toucher, je crois, à ça. Il ne va pas transformer le monde. Nous qui avons... on a été témoins du théâtre militant dans les années 70 ou avec Benedetto, des gens comme ça, et Gatti. Donc, et c'était formidable. Hein, je veux dire, c'était vraiment Gatti, était vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire. Donc, ça n'est pas ce que nous faisons. Ça n'est pas. J'ai vu ton spectacle ou j'ai vu les spectacles de Marcel. C'est pas ce que nous faisons forcément. Mais je veux dire, on touche. Ce matériau sensible, intime, qui est de l'ordre de la révolution politique, puisque l'intime est totalement politique. Et quand on parle de la sexualité, de l'homosexualité, qu'on parle, en ce qui concerne Annie Ernaux, la période qui interroge 40 jusqu'aux années 70, jusqu'à l'avortement libre, je veux dire, elle parle du politique, elle parle de la société, de ce que la société impose, et comme on doit faire, penser, vivre, manger, baiser, enfin tout quoi. Donc ça, c'est politique. Et ça, cette révolution intérieure est fondamentale. Et ça moi, c'est de ça dont j'ai envie de parler et qui me semble fondamentale aujourd'hui. J'en ai déjà parlé quand on a fait les textes d'Annie Ernaux, les premiers à la cartoucherie, sur un mode, je dirais, très émouvant, très fort, puisqu'on a eu quelques évanouissements dans la salle. Donc ça, c'était bouleversant. Donc ça veut dire que ça provoquait quelque chose. L'événement notamment et l'avortement clandestin est décrit chez Ernaux d'une façon incroyablement forte et violente, ou dans les armoires vides. Elle a choisi avec les années un autre mode, une forme. Et c'est ça aussi, c'est notre préoccupation. Sous quelle forme, parce que tous les contenus sont possibles, mais sous quelle forme on va présenter ça. Et au théâtre, ça, c'est pas évident, et c'est sûr que... Et là, avec les années, alors moi, je suis en train de chercher, parce qu'on répète, et c'est vrai que, j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'humour. Et vraiment, critiquer ce qu'on est en train de nous ramener, avec une violence incroyable, c'est le régime de Vichy. Alors, avec Zemmour et tout ça, moi, je suis dans une rage, mais dans une folie dingue. Et là, je crois qu'il y a une odeur nauséabonde de Vichy qui nous revient, et j'ai encore un article de Libé de ce matin où quand même, excusez-moi de prendre la parole, mais le planning familial a été fermé en PACA, que Marine Le Pen, pas Marine Le Pen, sa nièce, Marie-Marion Maréchal, Le Pen, elle allait supprimer les subventions du planning familial à Marseille parce que c'est un nid de politique. Non mais franchement, j'ai envie de trouver, alors moi je ne suis pas une femme, je ne suis pas douée pour l'humour, mais je vais m'appuyer sur les textes d'Annie Ernaux, il y en a beaucoup quand même, tenter de, avec la période qu'on aborde des années, parce qu'on n'en prend qu'une partie, oui, de trouver une forme d'humour pour raconter le ridicule, ce à quoi on voudrait nous dire, c'était tellement mieux avant, c'était vachement mieux avant, cette chose-là, quoi, monstrueuse de Vichy, quoi, ces relents de Vichy, de montrer à quel point l'école, avec les blouses... Parce que les années, ça couvre quel... Ça couvre de 40 jusqu'à 2006. Ah, oui. Mais moi, je prends que là c'est, je dirais, c'est année 1. c'est vraiment la première période. Ouais. Ça nous dit aussi que jamais... Rien n'est jamais acquis, définitivement. Voilà. Rien ne changera donc jamais. Voilà. Quelle horreur, c'est un peu ce qu'elle dit. Voilà, vous nous excusez, il y a le temps qui nous guette. Peut-être on aura des questions, des interrogations, ou quelqu'un qui veut compléter le propos, parmi nous tous, par-ci, par-là. Et la parole est ouverte et libre. Et c'est globalement, quand il y a beaucoup de réserves, qu'il y a des choses qui... Je vous en prie. Oui, mais merci. C'est vrai que... Enfin, comment dire... Le spectacle était dur à construire parce que nous ne sommes évidemment que trois. Alors, on a dû construire de grands récits. On a fait des récits et on a travaillé. On a beaucoup travaillé sur le mouvement. Et on a d'ailleurs même commencé à travailler sur le mouvement avec la chorégraphe qui s'appelle Marie Hortz. On a commencé le spectacle... En ne travaillant que sur le mouvement. Il en reste peu de choses, mais nos corps sont toujours en mouvement. On est emmené par Valérie Dréville, qui est vraiment une artiste absolument extraordinaire de ce point de vue, qui est vraiment une immense actrice européenne influencée par, des, par les travaux des plus grands maîtres. Donc, elle, nos corps, effectivement, sont emmenés comme ça. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il parmi vous par rapport au spectacle Retour à Reims que j'ai vu dans une ville proche il y a une dizaine de jours, merci à Monsieur Atta qui est venu nous le présenter. Et après, je vous assure que mes amis étaient très touchés, qu'ils soient d'origine bourgeoise, comme ils disent, ou plus modeste. Ils se sont tous posé des questions. Et l'une d'entre elles m'a envoyé un mail en me disant « Franchement, Laurent Atta, il est bien modeste parce que je suis en train de lire le livre de Didier Ribon et il a fait un très beau travail. Tout ce qui est dans le livre, enfin bon, peut-être pas tout ce qui est dans le livre. Moi, j'ai vu qu'il était là, je vais pouvoir l'acheter. » Vous avez fait un travail remarquable et moi j'ai été beaucoup très émue par c'est juste des impressions comme ça. Bon, le texte est quand même difficile quand on l'entend à l'oreille, à la lecture ça doit être bon, on peut revenir, mais j'ai beaucoup aimé des gestes comme les mains posées l'une sur l'autre du fils et de la mère. Et le fils qui, à la fin, termine en disant finalement, il aurait bien aimé rencontrer son père, pouvoir parler avec son père. Et il y a beaucoup d'humanité dans cette représentation. Je ne sais pas si elle existe exactement comme ça dans le livre. En tout cas, vous avez fait d'un texte difficile quelque chose qui nous a parlé. Voilà. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. Merci. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que, et ça je m'en réjouis énormément, c'est qu'en tout cas le spectacle donne envie d'acheter le livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et juste pour répondre, est-ce que ça existe dans le livre, le rapport entre la mère et le fils On a projeté, avec l'actrice, choisissant Sylvie Debrun pour jouer la mère, on a projeté, d'ailleurs Didier était très surpris parce qu'il me dit « Ma mère ressemble pas du tout à ça physiquement ». Je dis « C'est pas grave, on est autre chose ». Elle n'était pas comédienne. Brimée, cette femme. Vous l'avez mise en valeur, ou alors lui-même l'a mise en valeur. Il faut absolument que je lise le bouquin. Il y avait aussi la question d'un équilibre de plateau qui, moi, me taraudait beaucoup. C'est-à-dire que je ne voulais pas que le personnage, qui en plus était une femme des milieux populaires, soit instrumentalisé par l'intellectuel parisien qui... Alors, on n'aurait pas vraiment rendu service au livre de Didier. Je crois que ce n'est pas du tout ça qui raconte. Mais pas du tout. Elle paraît vraiment la mère de ce fils. Sur un plateau, ça ne fait pas du tout la même chose. Justement, c'est ça la question. C'est que quand on lit et quand on... cette écriture qui devient chère sur un plateau, ça crée une force absolument incroyable. Et donc, on se prend ça comme ça en pleine figure et c'est d'une violence inouïe. Et c'est ce qui nous est arrivé avec l'événement ou avec la femme gelée. Ou déjà, avec la femme gelée, j'ai pu tordre ça avec beaucoup d'humour parce que quand on le lit, c'est pas très rigolo. Et les années, par exemple, là, on vient de faire une lecture à Equinox avec Annie Ernaux, qui était là, qui assistait à la lecture. Et Tania Torrance, les gens riaient beaucoup, et donc ça m'a fait plaisir, parce que d'un coup, les gens disaient, mais on n'avait pas du tout ri en lisant les années. Mais si, il y a plein de choses qui sont... Si au moins on sert à quelque chose, c'est à ça. c'est à faire entendre quelque chose qui n'est pas forcément, puisqu'on lit avec sa propre subjectivité. Absolument. Quand on lit le bouquin, et puis si en plus ça rencontre des choses que soi-même on vit, hein, une résonance, on n'a pas forcément envie de rire, mais en même temps, la distance, je parle d'Ernaud, et il y a Héribon aussi, la distance que l'auteur, quand même, pour écrire ça, installe avec ce qu'elle a traversé ou ce qu'il a traversé, fait que nous, gens de théâtre, pouvons-nous faire quelque chose pour que ça soit... pour qu'en face aussi, vous soyez ému, mais aussi vous en rigoliez, vous preniez de la distance. Et c'est ça qui, quand on y arrive... Il y a des passages où on pouvait pas éclater de rire, mais sourire dans votre pièce. Aussi. Non, on ne se tape pas les mains sur les cuisses non plus. Non, pas du tout, non. Bon, merci. En fait, on doit interrompre cette séquence avec regret parce qu'on doit enchaîner, il y a d'autres choses. Et ce que vous dites, madame, mais c'est heureusement d'ailleurs que le même objet, la même parole prise sur scène ou dans un livre, elle s'annule jamais, elle se complète, elle s'empile, c'est deux expériences différentes, deux sensibilités. Et heureusement, courez acheter le livre et conseillez-le aux autres et vous allez voir pourquoi. Et conseillez aussi le spectacle. Vous avez le programme, la suite, on a dans pas longtemps, on enchaîne avec des lectures et on se retrouve pour la même... Et ce soir, le spectacle. Et on se re... de toute façon, vous allez nous présenter la suite des hostilités. Et on se retrouve demain à 14h pour notre discussion avec... Maintenant, c'est des plumes des auteurs eux-mêmes sur des textes, des jeunes auteurs, comme on les appelle, de façon assez paternaliste et affectueuse en même temps. Et on se retrouve... Envieuse, absolument, surtout envieuse. Et on se retrouve demain à 14h aussi, ce qui nous concerne. Maintenant, Gaël.